Andaluza, hey Andaluza, Andaluza, hey Andaluza, Andaluza, hey Andaluza, Andaluza. La France s'envole, elle est refaite, le regard qui tue, toi t'es ma coquette. Est-ce mes fraîches victoires secrètes? Le regard de fou, pire qu'elle lance roquette. Le guetteur qui va baigner. Est-ce mes fraîches, elle est gênée? Tu l'invites, elle t'a décalé. Tu l'insultes là comme sa madre. Bibala. Tu veux la recette? Un verre pour le rosé, deux verres et la causette. Mexico, elle veut son verre et sexito. Comment est-ce ta wesh, les cibos? Mes potes sont